Donc, je reprends le fil. Tout un dossier. Donc, ça, c'était 76. On va passer en 77 sous une nouvelle direction. Irène Agère, fraîchement débarquée de Paris. Son ambition est de redonner à la Maison de la Culture tout son sens, c'est-à-dire d'en refaire une vraie Maison de la Culture, ce qu'elle n'était pas, avec l'ambition de rayonner sur la région centre, ce qui tout de suite nous place dans une situation délicate avec, d'une part, le Théâtre municipal d'Orléans qui avait hérité de la grande salle de la Maison de la Culture et avec la ville d'Orléans. Elle ne se mêle absolument pas des contenus de vidéo tant que le contrat est rempli, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse nos animations scolaires, les stages que j'organisais, la diffusion, enfin tout ce qui est officiellement notre mission. Et elle ne s'occupe pas de savoir si ce travail d'animation débouche sur de la production. La production continue, elle se fait de façon plus ou moins clandestine, c'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a de la production qui se fait, mais elle fait mine de ne pas le savoir, ce qui me permet d'étendre le domaine de la lutte, puisque si on veut régionner sur la région centre, on peut s'ouvrir aux gens d'un peu plus loin. Donc, dans le droit fil de mes convictions, on fait un film sur un projet de centrale nucléaire à Belleville-sur-Loire, qu'on va montrer tout de suite, puis après je passerai au reste. Alors, le projet de centrale nucléaire, ce comité anti-nucléaire, il faisait suite à un film qu'on ne montre pas, qui est dans le fond de la Maison de la Culture, qui est un film intéressant aussi, qui s'appelait Les Fous du Soleil, tourné dans la banlieue d'Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle, où donc en 76, des antinucléaires montraient la possibilité d'exploiter les énergies alternatives en construisant un chauffe-eau solaire qui alimentait en eau la MJC qui hébergeait leur activité. Quoi. Ils l'ont fait, ils l'ont construit, et tout le film raconte ça. Là, ce qu'on va voir, c'est plutôt un extrait d'une séquence de lutte qui s'inscrit complètement dans le droit fil des luttes de l'époque, c'est-à-dire on tournait, on montait et on montrait sur place aux gens. Je ne sais pas quel extrait a pris Hélène. Ah, mais j'ai pris les extraits que tu m'as demandé de prendre, cher ami. Je ne me souviens plus, mais c'était la fin, des prises de parole et une manif assez violente contre la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Parler encore l'autre jour à la télé, à la femme. Là, il avait l'air de se foutre de la figure du monde, hein, que ça n'était rien, une figure béate, donc comme ça, qui appartient au centre nucléaire. Bon, oui, bon, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'incident. On a prévu tout. Oui. Mais s'il y en a, ce sera peu de choses, ce sera rien. Ça ne sera rien du tout. S'il y en a 50 qui clapotent, c'est rien du tout, ça marche. Qu'est-ce que ça peut foutre, ça prend de la vie de 50 bonhommes ou de 100 bonhommes les enfants, ils en mourront bon, pas. L'affaire de ce truc-là, il y a la question énergie, puis il y a aussi la question de... À moi la bonne soupe. On nous dit bien qu'une pause de soupe, mais enfin, si on nous flanque des déchets pendant le restant de notre vie, non seulement pour nous, mais pour les générations qui vont suivre, je pense que ça sera un coup dans le cas. Je pense qu'il y a un danger puisqu'il y a risque d'irradiation. Puisque c'est ça le problème. Puisque les techniciens ne peuvent pas garantir la sécurité totale. D'autant plus qu'on a encore des exemples tout récents à Pierre-Lotte qu'il y a eu des irradiés. Et là en face, ça laisse forcément la population inquiète. Vous en voulez pas de la centrale? Ah non. Il faut y aller le plus franchement possible et dire non à la centrale. C'est pas la vie, je crois que c'est la mort. Les gens sont parfois démoralisés. Je crois qu'on ne va pas jusqu'au bout pour essayer de garder le milieu où on vit, le terrain où on vit, la façon de vivre qu'on a actuellement, plutôt que d'être prisonnier dans les tours, dans les trucs comme ça. Il faut toujours commencer à se battre avant que les premiers travaux soient faits. Il a été monté dans cette situation de France, justement, ce moment-là, pour la qualité de la vie. Il peut servir à toute autre chose, mais enfin, en ce moment, il s'occupe surtout des problèmes de nucléaire. Est-ce que les gens sont prêts à venir sur le terrain? Thank you. Centrale qui s'est évidemment construite. Hein. C'est toi qui l'avais réalisé. Non, c'est Dominique. Donc les gens qui ont réalisé ça, c'était, parce que Dominique, c'était moi qui l'avais réalisé, c'est un collectif antinucléaire de Châtillon-sur-Loire. En fait, c'était des jeunes qui vivaient en communauté à Châtillon-sur-Loire et qui avaient eu l'idée d'utiliser la vidéo dans le droit fil de ce qu'on avait fait avant pour l'IP, enfin, sur toutes les autres luttes, d'utiliser la vidéo comme outil d'agite propre pour aller voir les paysans, leur montrer des choses et les faire réagir. Et ils ont fini par faire ce film sur l'opposition à la centrale, où vous voyez que la plupart des gens qui interviennent sont des gens des communes environnantes à Bellevue, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient pour, hein, bien sûr. On en voit d'ailleurs, hein, on ne les a pas choisis dans les extraits, mais on en voit dans le film, il y a beaucoup de gens de Belleville étaient pour, parce qu'on leur avait bien expliqué tout ce que la centrale allait leur apporter, comme emploi, etc. D'ailleurs, on voit bien, quand on traverse les villages qui ont accueilli une centrale nucléaire, les équipements ne sont pas du tout les mêmes que ceux des villages alentours. En général, les rues sont larges, bien entretenues, très éclairées, alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un exemple de ce qu'on pouvait faire en 77. Donc là, on est du côté du Cher, un peu, hein, déjà. Parallèlement, comme c'est ouvert, les gens qui osent passer la porte arrivent avec d'autres projets. On va voir maintenant... C'est un extrait ou des images fixes ? Un extrait. On va voir maintenant un extrait d'un film qui s'appelle « 8 pieds de narcisse dans un champ de caméra ». Donc, 8 pieds de narcisse, comme son nom l'indique, c'est quatre jeunes femmes qui ont réalisé un film, là aussi, tout à fait féministe, très expérimental et assez... Bah, c'est 77-78, hein, donc je vous laisse voir les images. Il m'a fallu des temps pour me les réapproprier. petit bout par petit bout, dehors, dedans. Qu'il a fallu des années pour vivre les plaisirs que je découvrais en moi. Ce que tu m'as fait vivre, je le sens encore, comme une plaie qui n'en finit pas de suppurer. On apprend aux petites filles à mettre du sel dans l'élixir. La trame du vécu, originellement déchirée, originellement déversée. Je, moi, caché derrière les rails de nous, quantité dénombrable, mais non hétérogène. Homogène aussi. Alors je cours parfois pour me démettre. J'ai vite les jours de grand vent. Sinon, je tombe dans les crinières béantes. Je, ma folle, encadrée, emmesurée. Ma fièvre s'échappe, se dissipe, se dilate. Je retrouve le goût du trop plein de sel, le fiel obligé. Malheureusement, je ne sais pas ce que sont devenues ces quatre femmes. Je crois que je ne sais pas si elles ont fait d'autres vidéos après ailleurs. J'en ai aucune nouvelle. Mais grâce à Hélène, on en a retrouvé au moins une. Oui, oui, mais on aura l'occasion, je pense, peut-être de montrer en fait le film en intégralité une fois qu'il sera restauré. C'est effectivement aussi comme celui de Dominique, un film féministe qui allie de manière incroyable la dimension documentaire du témoignage avec une inventivité formelle. Voilà. C'est un film absolument bouleversant, elles étaient extrêmement jeunes. L'une des quatre co-réalisatrices, c'est Carole Vidal, que l'on connaît bien dans le milieu féministe et de réalisation, qui a tourné un certain nombre de films depuis, qui était très impliquée dans le festival Femmes en Résistance, à qui donc, j'ai écrit et qui a dit qu'elle était extrêmement heureuse que le film ait été retrouvé. Parce qu'elle ne l'a pas revue du tout depuis l'époque, elles étaient extrêmement jeunes. Deux des quatre femmes sont décédées, mais la quatrième devrait pouvoir être retrouvée également. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Comme le film de Dominique, je pense que c'est deux films qui ressortiront aussi dans le cadre du projet Histoire, Mémoire et Bobine Féministe que l'on mène avec Nadia Ringard ici présente. Le point commun de ces deux films, surtout si on les replace dans cette époque, c'est qu'ils sont quand même très cash, hein, très, très, très frontaux. Les choses sont dites. De façon très très claire, très évidente, presque brutale, on va dire. Provocatrice. Qui pourrait paraître provocatrice. Et je trouve que ça, c'est quand même... c'est pour ça que c'était intéressant de montrer un extrait de ce film qui est en très très mauvais état. Il faut saluer Hélène qui a fait un travail de quasi-restauration sur celui-là parce qu'on n'en voyait plus grand-chose. Dans un autre, donc à Tours apparemment, il n'y avait pas de structure de production et les rares moyens qui existaient n'étaient pas ouverts évidemment à des gens qui se venaient avec des projets comme cela. Donc heureusement, il y avait Orléans et on a accueilli un autre jeune réalisateur très arrogant, très imbu de lui-même, citant Jean-François Lacan à chaque détour de phrase, mais avec un projet intéressant de road movie. De road movie autour de Céline et de Au bout de la nuit, dont on va voir un petit extrait. L'idée du film est de mettre le spectateur à la place du réalisateur. Ou le lecteur à la place du narrateur. Au bout de la nuit, Ferdinand, c'est l'histoire d'un type qui veut écrire sa lecture. Faire le ménage, c'est ranger ce qui traîne. Au bout de la nuit, Ferdinand, c'est tout l'imaginaire du spectateur, du lecteur, du promeneur, devant ce qu'il est venu voir et où il n'a rien à voir. L'imaginaire, c'est le spectateur avec un volant qui conduit le film. L'imaginaire, ouais, Lucas a eu lycée en 1977. La ville de province où il vit va basculer avec ce qu'il vit dans une dimension autre. L'espace même du film où coïncideront et coïncideront le réel et la lecture et le réel, le texte de Céline suivant l'image en sous-titre. Pierre-Marie Fenech, c'était donc un jeune homme qui vivait à Tours, qui ensuite est parti à Paris, qui a travaillé un temps chez Transatlantique Vidéo, qui a essayé de faire un peu de vidéo, mais s'il n'a pas changé d'attitude, ça a dû être trop dur. Parce que c'était quand même pas très, très facile, pas très facile de travailler avec lui. Mais pourtant, le projet était intéressant, puisque on a choisi exprès l'extrait du film qui définit le projet. Et après, tout le film décline ce projet-là. Et c'était très expérimental. Et alors, beaucoup moins dérangeant, sans doute, et beaucoup moins impliqué socialement, en tout cas au premier degré, que les films qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et peut-être que ça annonce déjà ce que j'appelle, moi, la vidéo du deuxième temps. C'est-à-dire que qu'à un moment donné, c'est le retour du refoulé, le désir de cinéma qui refait surface dans les vidéos. Mais on va y revenir. Ferdinand, quelle année ? 77. Donc pendant ce temps-là, évidemment, ça c'est encore une fois, c'est l'angle que j'ai choisi, c'est de parler des productions. Pendant ce temps-là, il faut voir que tout le travail d'animation dans les écoles, autour de groupes constitués, dans les universités continue, et que ce travail porte plus précisément sur l'analyse de l'image, que ce soit l'analyse de la mise en page des journaux ou l'analyse des reportages télévisés. Il y a tout un travail qui se fait pour essayer d'amener le public, le petit public qui vient, qui est loin d'être le grand public qui va voir les super productions ou qui regarde la télévision le soir, le petit public qui vient fréquenter la Maison de la Culture, lui apprendre à acquérir une certaine distance critique vis-à-vis des images. Ce travail culmine dans une production en 78 qui s'appelle Faits divers, dont j'ai beaucoup parlé l'année dernière, et que je n'ai pas voulu retraiter cette fois-ci pour ne pas trop radoter. Mais disons que Faits divers nous donne un regain de notoriété nationale qui permet de monter d'autres projets. Et toujours dans ce combat, dans mon combat solitaire contre la télévision, ça me permet de monter un projet avec un organisme qui s'appelait le Fonds d'intervention culturelle, qui, comme son nom l'indique, est un fonds donc, qui donnait des sous. Et donc le projet s'appelait « Juste une autre image », en référence au « Juste une image » de Godard. Et ce projet « Juste une autre image », il visait à donner la parole aux populations rurales pour leur donner des outils pour faire émerger une parole audiovisuelle, une expression audiovisuelle depuis le monde rural, par opposition à la caricature qu'en donnait le plus souvent la télévision. Voilà l'idée du projet. L'argent nous a permis d'immerger un animateur audiovisuel en région, dans le Gâtinais, qui est une petite partie de la Beauce. Il y est resté pendant une saison entière, la saison 79-80. Ce projet nous a permis aussi d'acheter une caméra couleur, un pied professionnel, un portable humatique et un banc de montage humatique. Il y avait quand même des sous. Et tout ça a été mis à disposition des paysans du Gâtinais avec un stock d'images de la télévision, des dramatiques, des reportages sur la condition des paysans, etc. Avec un travail de diffusion et d'analyse des images avec eux pour les amener à faire ce qu'on pourrait appeler un droit de réponse à la télévision. Il y a donc eu plusieurs heures de vidéos tournées par ces gens-là sous la houlette de l'animateur qui s'appelait Gilles Prébois, dont je ne sais absolument pas ce qu'il est devenu depuis d'ailleurs. Et on va voir deux extraits de cette série qui s'appelait Vivre en Gâtinais, deux extraits assez courts qu'il faut quand même que je resitue. Le premier donc est une tentative d'évocation de la vie dans le Gâtinais au 19e siècle, parce que le Gâtinais aujourd'hui, ça se confond avec la Beauce, on ne sait plus ce que c'était. Les Gâtines, c'était en fait les terres les plus pourries. Hein. C'était les roselières, c'était les marais, c'était vraiment l'agriculture. Pardon ? C'est la boue. La boue, voilà. C'est la boue. Et c'est effectivement une terre de marais, de roselières, assez ingrate. Donc il y a d'abord une évocation de ça, qu'on peut prendre pour une dramatique France 3, si ce n'est le parler. Et le rythme, surtout. Et le deuxième extrait, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire qu'on voit des images qui pourraient être des images d'un film institutionnel ou d'un film industriel, et si on écoute bien le commentaire sur ces images-là, il parle de quoi ? De solidarité entre les pays. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant pour ça, cette dichotomie complète entre le son et l'image. Premier extrait. Ça, il y a un peu de choses. Ça, on a dit. plus quand c'est la croûte. Je veux bien, je sens plus. Voilà, c'est là où on voit que le... Non, non, mais continue. Les agriculteurs s'unissent aujourd'hui pour réduire leurs frais d'exploitation. Mais le plus spectaculaire a été fait par eux avant-guerre en créant des coopératives de distillerie de betteraves. Ces coopératives ont dû évoluer et c'est aujourd'hui, depuis 25 ans, une coopérative sucrière de grande puissance qui assure un complément de revenus aux agriculteurs. La transformation de la betterave en sucre, prêt à consommer sur notre table, a mobilisé des capitaux énormes. Et c'est le sacrifice des fondateurs, puis ensuite la gestion à la fois dynamique et prudente des successeurs, qui a permis le développement de cette industrie lourde et pourtant rurale. Avec seulement 1,5% de la production, nous sommes dans la moyenne des 60 sucreries en activité en France. C'est à la fois peu et beaucoup, mais c'est certainement actuellement une bonne dimension pour être très efficace. La sucrerie est résolument moderne, la main-d'œuvre est réduite au minimum, et ce sont les innovations d'automatisme et de machinerie qui assurent l'expansion modérée de cette usine agroalimentaire traditionnelle. Les 850 coopérateurs de la région et les 150 employés de l'usine sont fiers de leur outil qui prolonge et garde sur place le bénéfice de la principale richesse agricole du Gâtinais. Le chiffre d'affaires total a été de plus de 15 milliards de centimes en 79-80. Cela explique en partie pourquoi la sucrerie est d'un grand poids dans la vie de Corbeil et de sa région. Alors, à la fois, ça illustre bien ce que disait Dominique Cabrera quand je lui avais dit que tout le monde peut faire du cinéma. Et ça montre aussi que même en un an de travail quotidien, quasiment, d'un animateur sur le terrain, les codes picturaux et narratifs du cinéma et de la télévision restent quand même très, très difficiles à éradiquer dans les têtes des gens. Et c'est pour ça que c'est dommage que ce travail... d'action culturelle, que ce travail d'apprentissage du décryptage de l'image ne se continue plus maintenant de façon régulière, parce que évidemment, une fois de plus, c'est la télévision qui a gagné, quoi.